force de me faire juger mes nerfs. Ça tease, la nuit tombe et mes nerfs se décrispent. Mes phalanges se décrispent et mes pensées se décrivent. Qui t'a choqué, je te précise, ça va sans dire que je vis ce qui me méprise. Donc pour être honnête, je me défoule sur ma feuille sans me retenir. Des rares moments où je suis à 100% éthique, sa mère. Si mes lyrics t'emmerdent, car ça me permet de m'en remettre quand j'ai plus rien à perdre. Et si certains s'enragent au point de prendre le fusil, c'est mon impact lyrical qui fera péter leur fusil. Sur nos feuilles on se vide car nos vies sont pénibles, mais la tristesse nous sévit quand notre envie ça me mise. La maîtrise nous largue lorsque la crise nous attaque. Que je dis c'est pas des blagues, c'est pas du farce, c'est attrape. Plus on encaisse, plus notre esprit s'endurcit, plus nos larmes se font prier, plus la haine se fait briser, plus nos regards s'obscurcissent. Nos rages se fructifient pendant que nos cœurs frémissent. Nos cités se défient quand leurs barreaux se durcissent. Notre voix se détruit pendant que nos poumons noircissent. Et nos vécus nous inspirent pendant que nos textes s'enrichissent. Nos rages se fructifient pendant que nos cœurs frémissent. Nos cités se défient quand leurs barreaux se durcissent. Notre voix se détruit pendant que nos poumons noircissent. Et nos vécus nous inspirent. J'attends le jour où j'aurai de quoi remplir 1000 caddies. Même si je l'ai 10 fois, 100 fois, 1000 fois dit. J'attends de voir les rages refroidis. Qui t'a blessé, suivant le contexte, je balancerai ou pas des rimes sadiques. Je rêve d'un monde métissé comme mon stylo 4 couleurs. Le même que j'utilise en cas de douleur, en cas de pleurs. Sans composer le 15 ou le 112. On évite de sneaker, quitte à frôler la partouze. Alors j'essaye de lutter même si les obstacles me freinent. J'ai des démons se battent dans ma tête de quoi en devenir schizophrène. Parfois les larmes traduisent les larmes, ce qui pousse certains à commettre des drames. Quand la haine prédomine qu'il n'y a plus besoin de faire mine, d'autres diront qu'ils exterminent la vermine avant que leur vie se termine. Tous devenus fous à force de subir les mêmes galères, les absences de nos pères et les folies de nos frères. Tous révoltés par les mêmes aides qu'on nous retire petit à petit. Le même pouvoir d'achat qui rétrécit. On veut nous couler comme le Titanic, mais certains ne supportent plus et se mettent à vendre du shit. Ou prennent le clic-clic pour traquer le fric, car on ne supporte pas de prendre nos grecs sans frites. On se défend entre nous car on ne compte pas sur la police, même quand la détente grise en cas de crise. Nos rages se fructifient pendant que nos cœurs frémissent. Nos cités se défient quand leurs barreaux se durcissent. Notre foi se détruit pendant que nos poumons noircissent. Et nos vécus nous inspirent pendant que nos textes s'enrichissent. Nos rages se fructifient pendant que nos cœurs frémissent. Nos cités se défient quand leurs barreaux se durcissent. Notre foi se détruit pendant que nos poumons noircissent. Et nos vécus nous inspirent. Nos rages se fructifient pendant que nos cœurs frémissent. Nos cités se défient quand leurs barreaux se durcissent. Notre foi se détruit pendant que nos poumons noircissent. Et nos vécus nous inspirent pendant que nos textes s'enrichissent. Nos rages se fructifient pendant que nos cœurs frémissent. Nos cités se défient quand leurs barreaux se durcissent. Notre foi se détruit pendant que nos poumons noircissent.